T'as une somptueuse de mer, je crampe dans les bois. Le sang et la science, c'est mon quotidien à moi. Les gens mourront dans la peur tout autour de moi. Je me bats la rage au cœur, je ne sais même pas pourquoi. Pour son altesse, sa grandeur ou un bâtard comme ça. Tu crèves en son pays ou en première ligne là-bas. Au nom de la patrie, mec, tu me recombats. Combat, combat, combat, combat, combat. Mais c'est dimanche, j'hallucine que tu plaisantes une taquine. De quel droit tu me condamnes à mourir au Vietnam? Derrière ton bureau décline, faudrait pour toi j'assassine. Femme brûlée par les flammes, oui, mort en danger la gaine, la femme. J'ai vu que les cons, c'est pas les mauvaises. Quand je suis comme la base à mon âme, lâcher des bombes contre les fléchettes, y'a comme une grosse différence d'armes. Arrête ton cher, tu veux la défaite, ta face, t'as pas de famille en larmes. Pour le pouvoir, mais à la conquête de la mort, besoin de ses charmes. Afin de pouvoir piétiner la tête de celui qui veut pas qu'on le fasse pour un nana. Je suis soldat, mais pas mercenaire, choisis mes causes et mes honoraires. Je fais des choses pour en être fier, quand ça m'est jamais sert à les faire. On t'oblige à ramper sur un hamburg en rail. Toi t'es prêt pour l'apocalypse, c'est simple, si t'es trop coulant de pile, c'est un peu les mêmes règles dans le ghetto. Tu prends une seringue parce que tu perds ton fil. C'est pas ta faute si t'as pas les couilles de Rambo Night. T'es un peu frappant dans le métier, pas un débile. Échange ton crédit contre un kimono. Mais c'est dimanche, j'hallucine que tu plaisantes, tu me taquines. De quel droit tu me condamnes à mourir au Vietnam? Derrière ton bureau décline, faudrait pour toi j'assassine. Non, je ne veux pas faire le soldat. Ça c'est dimanche, j'hallucine que tu plaisantes, tu me taquines. De quel droit tu me condamnes à mourir? C'est comme ça que l'autre nom black nom et nom. Non, je ne veux pas que tu déconnes black black nom. C'est comme ça que l'autre nom black nom et nom. Tout le temps il faut que tu déconnes. Mais tu te trompes de mes mecs, tu te trompes de personne. Retourne ton fusil vers celui qui te pensonne. Celui qui t'a dit qu'il n'y avait pas mal d'un. Ce port de carré qui en douce condamne. La destruction complète des communistes comme eux te remplissent la tête et trop fil la gueule. T'appuies sur la gâchette comme un machin chewing-gum. On détruisait la fête quand on marche. Sauf un atomique sous-estime son adversaire. C'est la panique quand on se fait prendre par derrière. Est-ce que t'as l'intrigue quand ta grange la serre? T'as un hic, t'as tout pour gagner.